en chantant Shabarabara. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch ont coulé. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, oh, oh. Si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages et plus d'images, rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles, et si on pouvait danser comme la première fois. Surtout c'est Shabarabara. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec l'enclos. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. On remettrait sur les platines. Salut à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gamozo. Vous êtes sur le 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez sur le web www.radiogamozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Plus de 500 personnes ont vu notre publication sur notre page Facebook officielle pour l'émission de ce jeudi. Bonjour à tous, au Québec, au Maroc, en Belgique, en Suisse, en Italie. Bonjour Marc. Bonjour Gilou. Tu vas bien? Très bien, toi. Ouais, ça va. Il fait un peu chaud, il fait un peu lourd, hein, je trouve. Bon. Voilà. Alors, vous êtes avec Gilou, je vous accompagne en musique en direct dans les années bonheur. Et pour ce jeudi, un best-of où je revisite l'univers musical des artistes que j'ai reçus en interview. Donc, playlist éclectique avec des chanteurs, avec des chansons pardon, rythmées, romantiques et de l'émotion. Cette émission est le reflet de nos coups de cœur avec la belle équipe et de la team Gilou. Alors, avant de commencer, je voudrais faire un petit coucou à mon ami Dany. Alors, Dany, je te fais des gros bisous et prends soin de toi. Et je voulais souhaiter aussi un joyeux anniversaire à Raquel, une fidèle auditrice. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur nos Facebook respectifs, Radio Gamozo et Gilles Mougel officiel. Et bien sûr, je vous attends 03 29 62 40 40 pour un petit bonjour à l'antenne. Même les artistes, il y en a qui écoutent, ne soyez pas timides, je compte sur vous. Je vais peut-être vous surprendre sur le choix des chansons. Je n'ai pas toujours pris les titres éponymes des albums, mais d'autres belles découvertes et des exclusivités. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Voilà, avec Alain Alban. Alors, Alain Alban, je l'ai reçu le 11 janvier 2018. Alors, Alain Alban, c'est un artiste très sympathique, très attachant. Bien sûr, je dirais comme son cousin, puisqu'en fait, Alain Alban, c'est le cousin de C. Jérôme. C. Jérôme qui était notre chanteur voilà, populaire et de la Lorraine. Et Alain donc, revisite l'univers de C. Jérôme dans ses concerts. Donc voilà, j'ai choisi cette petite chanson là, donc de C. Jérôme, Julie à la folie. Waouh, waouh, Julie, mini jupon maxi, insomnie garantie, c'est fou ce qu'elle joue la comédie. Julie à la folie, du rouge à l'évroldi. Si ça bouge, pas touche, pas vu, pas pris. Si t'as déjà fait l'amour dans son bug, Paris, Dakar, tu oublies. Julie est un baby interdit. On te fumait des Jane Mary. Julie à la manie. On te m'appelait Johnny. Elle ne sait plus ce qu'elle lit. Thank you. j'appelle l'amour dans son buggy Paris Dakar tu oublies. Oh, Julie est un baby interdit. Oh, de fumer des John Mary. Julie a la folie. Oh, des décalcomanies. Sur son jean à crédit. C'est dingue, c'est fringue, mais c'est joli. Wow, wow, Julie. Un petit coin de paradis. Pas besoin de parapluie. Y'a toi, y'a moi, ça nous suffit. Julie à la folie, voilà. Alors Alain, je ne sais pas si tu écoutes, je te fais une bise et puis voilà, pour te dire, garder un bon souvenir de cette émission et merci de nous faire revivre l'univers, donc bien sûr, de ton cousin Claude. Voilà. Alors on part maintenant avec ces Jérôme, on était dans les 70s, bien sûr, et puis là on va y retourner aussi avec Michel Monaco. Donc on écoute 70s et puis on en reparle après. C'est une chanson clin d'œil rétro sur nos 20 ans. Un refrain nostalgie sur nos pattes d'éléphant. Un air de liberté, Julia les cheveux longs. C'était l'Himalaya, c'est Jérôme en chanson. Les gondoles à Venise qui luxent à la télé. Un air d'accordéon jusqu'à l'Élysée. C'était le MLF, un enfant si je veux. Et Jimmy se perdait dans des paradis bleus. 70s, peace and love. Le temps de deux chevaux grises. Dans nos rêves un vieux Bee Gees. Oh, oh, oh. Que l'on chantait tous les deux. C'était un grand bateau qu'on appelait le France. Un petit rapporteur qui faisait rire la France. La flambée du pétrole sur un dernier tango. Des paillettes un peu folles sur nos soirées disco. 70s, peace and love. Le temps des deux chevaux grises. Dream and love. Dans nos rêves un vieux Bee Gees. Oh, oh, oh. Que l'on chantait tous les deux. 70s, peace and love. Les week-ends sur la Tamise. Dream and love. Le temps des God Save the Queen. Oh, oh, oh. Et des fleurs dans tes cheveux. Le temps des deux chevaux grises. Dans nos rêves un vieux Bee Gees. Oh, oh, oh. Que l'on chantait tous les deux. Oh, oh, oh. 70s, les week-ends sur la Tamise. Le temps des God Save the Queen. Oh, oh, oh. Et des fleurs dans tes cheveux. Le temps des deux chevaux grises. Dans ma tête un vieux Bee Gees. Oh, oh, oh. Que l'on chantait tous les deux. Oh, oh, 70s. Voilà, 70s, toute une époque que j'ai vécue. Voilà, c'était bien les années 70. Alors Michel Monaco, un grand artiste qui est aussi le chouchou de ces dames, voilà, je sais pas si Mado m'écoute, voilà, un petit coucou à Mado, un petit coucou aux fans du Québec, se reconnaîtront, voilà, donc Michel Monaco, que je salue, et ainsi que Josette, qui s'occupe de son fan club. Alors nous allons retrouver, on est toujours un peu dans les années 70, nous allons retrouver Frédéric Souche, qui nous a fait découvrir aussi, c'était donc le 21 juin dernier, c'est pas loin, qui revisite en fait l'univers de Clo-Clo, Voilà, avec de belles chansons. Je voulais remercier moi Mireille Bondy qui m'a fait découvrir cet artiste. Alors là, on écoute sur le boulevard Exelmans. J'avais une idée en tête quand j'ai quitté la maison. Sur le boulevard Exelmans, je rêvais d'une chanson. Une jolie mélodie où les filles sont belles, belles, belles. Qui sera peut-être un jour un succès intemporel. Je savais qu'un beau jour, on m'appellerait Clo-Clo. Je repense à mon père, je le sais fier de là-haut. À jamais dans mon cœur, à jamais dans ma mémoire. Il fait partie de ma légende, il fait partie de mon histoire. Je rêvais d'un moulin annonçant des jours nouveaux. Une ferme du bonheur, un grand havre de repos. Un immense jardin pour inviter mes amis. J'en ai vraiment beaucoup, il sera toujours petit. Et après le moulin, je ne compte pas m'arrêter là. Produire des talents, les idées ne s'arrêtent pas. Une agence de mannequins, je suis prêt à tous les risques. Et du haut de mon podium, je créerai ma maison de disques. J'ai aussi un grand rêve, celui d'un tube à succès. Chanter par la terre entière, courant à l'éternité. Au bord de ma piscine, je trouverai les mots qu'il faut. Voilà, Frédéric Souche, un artiste très sympathique. D'ailleurs, ils sont tous très sympathiques, nos artistes que nous avons reçus. Voilà, c'est très bien ces chansons-là, voilà, qui sont reprises avec des titres, des chansons de Claude François. C'est sympa. Alors, pour l'artiste suivant, c'est une exception à cette playlist parce que je ne l'ai encore pas reçu. En interview, c'est un projet, nous sommes en contact avec Fernando, il s'appelle Fernando, nous sommes en contact avec lui pour une émission, pour la rentrée. Voilà, mais j'aime bien cette chanson, et ça va vous rappeler quelque chose, mesdames, soyez bien à l'écoute. On écoute Que Viva El Amor. Que siento por ti va grabado en tu piel, un manantial que brota y va llenando tu espacio. Contigo está. Esto tú lo sabes muy bien. Lo diré hasta no sé quién. Te quiero querer y lo voy a decir, que viva el amor. Te quiero y quiero querer, lo vuelvo a repetir, que viva el amor. Como nuestro amor, no se puede encontrar. Es la fusión que convirtió la vida en poema, mi bella flor. Tú lo sabes también, lo diré, diré hasta no sé quién. Te quiero querer y lo voy a decir, que viva el amor. Je t'aime, je t'aime mon amour. Lo vuelvo a repetir, que viva el amor. Lo vuelvo a repetir, que viva el amor. Viva l'amour. Voilà, Fernando. Voilà, je pense que mesdames qui nous écoutez, ça vous a sûrement rappelé un certain chanteur. Voilà, vous avez deviné, Julio Iglesias. On a hâte de découvrir son univers à Fernando. Bon, on verra ça plus tard. Alors, j'ai mon ami Bruno Pinchot, là, sur Facebook. Voilà, je lui fais un petit coucou. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais j'ai une petite fuite à mon robinet. Alors Bruno, fais gaffe parce que c'est l'âge. Dans l'humour. Voilà, alors maintenant on va écouter des artistes féminines, bien sûr. Nous en avons reçu aussi des belles artistes. Alors on va écouter Ophélie Monrival avec ce titre « Ce n'est pas vrai ». Je ne me souviens que de ce refrain. Deux ou trois notes qui tournent au loin. Tu jouais tout bas sur le piano droit. Cette mélodie, rien que pour moi. Rien ne disparaît jamais. On croit pouvoir tout oublier, mais c'est pas vrai. On triche, on ment, on joue sa mémoire, et on pense avoir pu gagner, mais ce n'est pas vrai. Là dans la lumière, toutes tes affaires et ton odeur qui flotte dans l'air. Et cette musique a rien nostalgique, me trouble tant que je te ressens. À jouer pour moi. Le temps vient me ramener à tes côtés. Tout me revient, ta voix et tes mains. Le temps vient me rappeler. jamais. On croit pouvoir tout oublier, mais c'est pas vrai, pas vrai. On triche, on ment, on joue sa mémoire et on pense avoir pu gagner. Mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. On triche, on ment, on joue sa mémoire et on pense avoir pu gagner. Mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ophélie Morival, voilà, que j'avais reçu le 29 mars. Donc Ophélie, une belle voix et un sourire magnifique à l'antenne. C'est agréable de faire des émissions avec des artistes comme ça. Alors, ben, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, 03 29 62 40 40. Là, je me sens un petit peu seul. Non, je suis avec Marc, bien sûr. Puis bon, c'est vrai que j'ai l'habitude, voilà, il y avait des artistes, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis tout seul. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur l'antenne. Nous allons retrouver maintenant une autre artiste, Caroline Jonf. Alors Caroline, c'est vraiment c'est une bombe. Alors quand je dis c'est une bombe, elle est très jolie aussi, bien sûr, mais c'est du dynamisme. C'est pour ça que je voulais dire ça. C'est du dynamisme. C'est vraiment c'est très bien ce qu'elle fait. Une belle voix aussi, Dominique, Caroline. Oula, je fais donc des bisous à Caroline et puis Christophe qui était venu dans notre studio. Le 31 mai, oui, c'est ça, voilà, et ça a été aussi une belle émission, bien sympathique. On écoute donc ce titre de Caroline, Une belle histoire d'amour. Je viens vous raconter ce soir une tendre et merveilleuse histoire. Pour venir écrire avec elle quelques-unes des pages les plus belles. Cette belle histoire, c'est ma vie, et vous en faites partie, car vous écrirez ce soir des lignes de plus à ma mémoire que je pourrai relire. La chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. Je voudrais ce soir vous raconter quelques chapitres de mon passé comme une autobiographie. Quelques-unes des pages de ma vie. J'aimerais aussi pouvoir vous dire les chapitres que j'aimerais écrire. Mes rêves, mes passions, mes espoirs, je vous les livrerai ce soir. C'est belle histoire, c'est ma vie, et vous en faites partie, car vous écrirez des lignes de plus à ma mémoire que je pourrai relire et à chaque fois me dire la chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. partagé. Parfois drôle, parfois compliqué. Avec ses hauts et ses bas, ma vie que je ne changerai pas. Des lignes de plus à ma mémoire que je pourrais relire et à chaque fois me dire la chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour, la chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. Caroline Jonfe avec cette belle chanson, une belle chanson country, voilà, c'est qui est une voilà qui est une artiste aussi qui nous vient du Québec. On va rejoindre une autre artiste aussi québécoise, Louise Quentin, qui nous interprète Mamma Mia. On va écouter, puis je vous en reparle après. Must come to an end. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, Mamma Mia, here I go again. My mind, how can I resist ya? Mamma Mia, does it show again? My mind, just how much I miss ya. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. My mind, I could never let you go. You were through, and when you go, will you slam the door? I think you know that you won't be away too long. You know that I'm not that strong. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, Mamma Mia, here I go again. My mind, how can I resist ya? Mamma Mia, does it show again? My mind, just how much I miss ya. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, even if I say bye-bye, leave me now or never. Mamma Mia, bye-bye, doesn't mean forever. Mamma Mia, Voilà, Mamma Mia, donc reprise par Louis Quentin, qui figure sur son album Broadway, toutes des chansons de comédie musicale. Alors, Louise était venue dans nos studios avec son producteur David Vincent, qui est un ami aussi. Donc voilà, nous avions fait une belle émission. Si toutefois vous êtes à l'écoute, eh ben je vous fais des bisous. Voilà, non, j'oublie rien. Alors, voilà, les deux artistes qui vont suivre, parce que c'est un duo. Alors là, tous les deux, je les adore. Voilà. Bien sûr, tous ces artistes sont sympathiques, mais là, Anaïs et Fabien, voilà, pour les citer, voilà, je les adore. Ils sont franchement très, très sympathiques. Voilà, et voilà, c'est comme ça. Et ils ont des belles chansons. Voilà, ils restent très, très, très humbles. Et ils ont énormément de monde qui les suit. Voilà, c'est formidable. C'était une belle rencontre aussi. Je les avais reçus le 5 octobre 2017. Alors là, je les remercie aussi parce que c'est une exclusivité qu'on va entendre. Là, c'est une toute dernière chanson que l'on va écouter. Et c'est tout frais, ça vient de se sortir lundi ou mardi, je ne sais plus. Voilà, donc on écoute Take Care. Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message. Menu principal. Pour votre annonce d'accueil, faites le 2. Pour votre code secret ou vos options, faites le 3. Pour déposer un message vocal, sans faire sonner le bruit de votre correspondant. J'ai attendu des heures devant mon répondeur. Est-ce qu'elle m'appellera? J'ai attendu des heures sur mon ordinateur. Un message de toi. J'aimerais lui parler. J'aimerais tant lui dire. J'aimerais qu'il m'appelle simplement pour me dire Te quiero, amore, ti amo, I love you, baby, je t'aime. T'es comme un soleil pour moi. Te quiero, amore, ti amo, I love you, baby, je t'aime. Mon cœur ne bat que pour toi. J'ai cherché jour et nuit celle qui manque à ma vie, elle est bien quelque part. Je saurais te trouver, même s'il faut des années, je veux encore y croire. J'aimerais te trouver, j'aimerais tant te dire. J'aimerais te trouver. J'entends déjà ta voix, je sens déjà ta peau. J'imagine des histoires, je me fais des scénarios. Toi et moi en douceur sur le même tempo. Te quiero, amore. Te quiero, amore. Ti amo, amore. Ti amo, amore. I love you, baby. I love you, baby. Te quiero, amore. Te quiero, amore. Ti Voilà, Te quiero. Donc Anaïs et Fabien, une belle chanson pour l'été. Alors je lève les yeux et je retrouve mon petit rayon de soleil. Bonjour Lou. Bonjour Gilou, bonjour aux auditeurs. Tu vas bien? Très bien, et toi? Mais écoute, bien, bien, je suis toujours agréablement surpris. J'étais dans mes petites fiches, tu vois, puis d'un coup je lève les yeux, puis ah, voilà, voilà, voilà. Eh oui. Voilà, c'est gentil de venir un petit peu avec moi. Bah oui, voilà, écoute, c'est, ouais, c'est, voilà. C'est le passage éclair de Lou dans, oui, l'émission dans de Gilou. Mission, voilà. C'est très bien. Alors, nous allons retrouver maintenant Tom Matisse. Donc Tom, nous l'avions reçu, je l'ai reçu samedi dernier, le 30 juin, c'est tout frais. Un bel artiste, voilà, Tom, qui chante en allemand, qui chante en français. Il nous a fait découvrir son univers musical. Et puis là, je voulais remercier mon amie Lynn qui a découvert cet artiste. Et là, on va écouter de Tom cette chanson, « Ne perds jamais ton insouciance ». Saisir toutes les chances, ne perds jamais ton insouciance. Non, ne regrette rien si tu l'as décidé. Si dans la vie tout recommence, n'oublie pas de te faire confiance. D'un monde meilleur, l'espoir d'un monde meilleur. Apprends à saisir toutes les chances, ne perds jamais ton insouciance. Non, ne regrette rien si tu l'as décidé. Si dans la vie tout recommence, n'oublie pas de te faire confiance et n'abandonne pas ce vent de liberté. Toutes les chances, ne perds jamais ton insouciance. Non, ne regrette rien si tu l'as décidé. Si dans la vie tout recommence, n'oublie pas de te faire confiance. Tom Matisse, avec ce titre, ne perds jamais ton insouciance. Surprise, les fans. Voilà. Alors, maintenant, je vais annoncer donc mon ami Bruno Broglie, que j'avais reçu aussi, bien sûr. Alors, Bruno, il sera donc en concert le 7 et 8 juillet prochain. Donc, c'est à la fin de cette semaine. Donc, à Cornimont. À l'occasion du jumelage, donc, parce que Cornimont est jumelé avec une ville allemande, je ne sais plus le nom, je m'en excuse. Mais voilà, Bruno sera donc en concert les deux jours. Voilà, alors donc, venez nombreux. Bruno est un artiste de la région Alsace. Il chante des chansons, de belles chansons des années 70, des chansons à lui, bien sûr. Il chante aussi en allemand, mais bien sûr en français. Donc, soyez nombreux pour ces deux belles journées. Et là, on va entendre, c'est son dernier titre, c'est une chanson en allemand, pour la production allemande, puisque Bruno se produit aussi en Allemagne. Alors ce titre, ça s'appelle Obtgewinn. Alors je fais la traduction, ça veut dire gros lot. Bon, il faudra que je lui demande exactement pourquoi il a écrit ça. On s'écoute Obtgewinn. Die Straße, so ganz alleine in der Nacht, fühlte mich verlassen und hätte nie im Traum gedacht, dass alles kann sich sehr schnell ändern und manchmal dauert es nicht lang. Wenn du das Schicksal dir begegnet, dann fängt dein Leben ganz neu an. Oh Mann, ich habe den Hauptgewinn gezogen. Es hat gekracht in dieser Nacht. All meine Sorgen sind verflogen. Was hast du mit mir gemacht? Du bist so gut für mich, ich bin verliebt in dich. Es gibt kein Zurück. Du bist so gut für mich, ich bin verliebt in dich. Auf der nächsten Weg. Deine Nähe, wenn du nur kurz nicht bei mir bist. Seit ich mit dir gehe, weiß ich, was wahre Liebe ist. Denn ohne dich kann ich nicht leben. Das wurde mir auf einmal klar. Und seit du mir dein Wort gegeben, da fühle ich mich wunderbar. Oh Mann, ich habe den Hauptgewinn gezogen. Es hat gekracht in dieser Nacht. All meine Sorgen sind verflogen. Was hast du mit mir gemacht? Du bist so gut für mich, ich bin verliebt in dich. Es gibt kein Zurück. Du bist so gut für mich, ich bin verliebt in dich. Auf der nächsten Weg. Es hat gekracht in dieser Nacht. All meine Sorgen sind verflogen. Auf der nächsten Weg. Voilà, donc Bruno Boglé. Alors Bruno, je ne sais pas si tu es à l'écoute, mais bon, je te fais un petit coucou et bien sûr toute l'équipe de Bruno et de Gilou seront sur place à Cornimont, donc le fan club vosgien de Bruno Broglie. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire, je ne vais pas dire une petite pause, mais on va faire le quart d'heure américain. J'avais écrit américain. Merci Lou pour la. Donc avec les crooners, bien sûr, vous savez sans doute que nous avions fait 4 émissions avec mon ami Pierre Charby consacrées donc aux crooners. Nous avons fait 4 émissions, 4 volumes, un volume 5 est sûrement à la rentrée. Donc voilà, c'est le petit quart d'heure américain. Alors on va commencer par Dean Martin et on écoute ce titre, The Chapel in the Moonlight. How I love to hear the organ in the chapel in the moonlight. while we're strolling down the aisle, where roses entwine. How I love to hear you whisper in the chapel in the moonlight, that the love light in your eyes forever will shine. If you never come, I'll still be there till the moonlight turns to dust. Oh, I love to hear the choir in the chapel in the moonlight as they sing, oh, promise me. Be mine. Till the roses turn to ashes, till the organ turns to rust. If you never come, I'll still be there till the moonlight turns to dust. How I love to hear the choir in the chapel in the moonlight as they sing, oh, promise me. Dean Martin, voilà un beau titre, puis c'est beau les chapelles, surtout au clair de lune, hein. Je crois que c'est la traduction ça. Alors vous avez remarqué que je prononce mieux l'anglais, je suis allé faire des cours de diction. Voilà, alors on retrouve un autre grand crooner, Tom Jones, avec ce titre Dailala. Par contre là... Shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Forgive me, Delilah. ce Daila. Voilà, ça c'est des voix, voilà. Alors on écoute un autre grand crooner, Engelbert Humperdinck, avec ce titre Bella Italia. Like only yesterday that you and I were there, walking through the marketplace with music in the air. You were like an angel that had fallen from the sky. I never knew how far I'd fall in love. I still can hear the laughter and I still can taste the wine. We did everything together, pasta all the time, spaghetti, macaroni, tortellini, cannelloni, and every day the sun would shine. Signorina, here's to you and I and all the times we shared. Bella Italia. Signorina, here's to you and I and wishing we were there. I will always be so in love with you. Mamma mia, signorina, you are so bellissima. Bella Italia. Mamma mia, signorina, you are so bellissima. Bella Italia. Just a memory that wanders through my mind. A long ago, a fairy tale, a once upon a time. When I remember you and me, I know that I will always be the man who's still in love with you. I never will forget the times we drove along the coast. Whenever I was with you, that's the place I love the most. Milano, Rimini, Bologna, Roma, Napoli. To yesterday I drank this toast. Signorina, here's to you and I and all the times we shared. Bella Italia. Signorina, here's to you and I and wishing we were there. Bella Italia. I will always be so in love with you. Mamma mia, signorina, you are so bellissima. Bella Italia. Mamma mia, signorina, you are so bellissima. Bella Italia. Engelbert. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à Nadine Maria qui nous écoute, qui est fidèle à notre émission, qui nous écoute depuis l'Italie. Voilà, des bisous Nadine Maria. Alors j'ai gardé pour la fin de ce quart d'heure américain, des crooners, j'ai gardé pour la fin mon ami Pierre Charby qui nous interprète là ce titre Unchanai de Melody. Alors je voudrais remercier Pierre aussi et toujours pour l'exclusivité de cette nouvelle chanson qui paraîtra sur un album pour la fin d'année, je pense. Voilà. Donc, on écoute Pierre Charbier. Pierre Charbier, magnifique voix, Pierre, sublime interprétation. Donc je précise quand même pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Pierre Charbier est un chanteur français, mais qui fait des chansons, qui interprète des chansons en anglais d'une voix magnifique. Donc je ne sais pas si vous êtes à l'écoute tous les deux, mais je vous fais des bisous, toi Pierre et Cathy, voilà, à très bientôt. Là nous retrouvons un autre artiste, Frédéric Arnaud, et là on va faire un petit tour du côté de Saint-Germain. Le samedi soir, au bout de Paris, deux amoureux après minuit traînent leur cœur et ce sourire et leur bohème en poésie. Quartier des arts, avenue des mots, les voix naissent sur le tempo. On joue Prévert dans les bistrots et Boris Vian sur le piano. À Saint-Germain, tu te souviens des mélodies de ces refrains. À Saint-Germain, tu te sens bien, c'est tout Paris qui te revient. Dans les sous-sols, la rue de Rennes, le jazz efface toutes nos peines. Dans les fumées américaines et les ivresses musiciennes, Davis Béchette, toute la nuit souffle les libertés folies et leur furieuse envie de vivre jusqu'au petit jour nous étourdir. À Saint-Germain, tu te souviens des mélodies de ces refrains. À Saint-Germain, tu te sens bien, c'est tout Paris qui te revient. Y'avait Luigi, y'avait Firmin, y'avait Rico, des tas de copains. Tout le monde chantait à Saint-Germain, au métro jazz, à l'Arlequin, au rendez-vous des musiciens. Frédéric Arnaud, voilà, je l'avais reçu le 19 avril. Alors j'aime bien cette chanson, ça sent bon la France des beaux jours. Voilà, alors là un autre artiste, Enrico Palmieri, donc avec ce titre, Tu me manques. À la radio, cette chanson que tu aimais, pour laquelle, sur moi, tu te blottissais. L'écouter seul aujourd'hui me glace le sang. Il m'a fallu la distance pour comprendre que je t'aimais tant. Je regarde tous les jours cet album photo. Les pages défilent trop vite, la fin arrive. Tu me manques, tu me manques. Ce rêve ne sort plus de ma tête. Tu me manques, tu me manques. Ce cauchemar mourra à l'usure peut-être. Cette soirée où je t'ai recroisé, mon cœur s'est arrêté, mon âme s'est figée. Sur ton visage, je pouvais lire ce si beau sourire, celui que tu m'offrais avant, avant que n'arrive le pire. devant toi que c'est moi. Je ne peux expliquer ce gâchis, mais c'est sans toi que se dessine ma vie. Palmieri, voilà. Enrico, tout en sensibilité et de beaux textes, de belles mélodies que nous avions reçues le 14 juin. Voilà. Le 28 juin dernier, donc c'est encore tout frais, nous avions eu le bonheur et de belles émotions aussi de recevoir Madame Isabelle Aubray. Alors, nous allons écouter ce beau titre-là, « Le temps qui reste ». Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et boire, et croire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis née, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps, c'est comme ton pain. Garde-en pour demain. J'ai encore du pain. J'ai encore du temps. Et combien? Je veux jouer encore. Je veux rire des montagnes de rire. Je veux pleurer les torrents de larmes. Je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, crier, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant, le temps qui reste. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrants, des tristes, des très intelligents. Et les cons, c'est drôle, les cons, ça repose. Comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai toute seule. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai. Voilà, Isabelle Houbray, voilà, c'est une grande dame de la chanson française et vraiment elle nous a beaucoup touchés. Et là, même encore en écoutant ce texte, cette chanson, ça donne des frissons. Alors, je remercie encore donc Valérie, son attachée de presse, pour le contact très sympathique et très dynamique qu'on a eu pour préparer cette émission avec Isabelle. Alors là, on va changer un petit peu de rythme. J'avais le plaisir de recevoir par téléphone Jean-Claude Bader, qui chante Johnny. Ce n'est pas un sosie de Johnny, il n'a pas la voix de Johnny, mais c'est pas mal. Je suis allé à la nuit américaine, c'était donc vendredi dernier, il y avait un sosie de Johnny qui était là, qui a fait la soirée, bof, je dirais que c'était pas terrible. Ça va que bon, les chansons, on connaît bien, il y avait du monde, il faisait beau, mais bon, ça n'engage que moi, voilà, c'est fait, je l'ai dit. Alors on écoute Jean-Claude Bader, on allume le feu. Les diables et les dieux. Allumez le et vois grandir la flamme dans vos yeux. Faire danser les diables et les dieux. Amen. Et voir grandir la flamme dans vos yeux. Voilà, on allume le feu sur les ondes de Radio Gamozo avec Jean-Claude Bader. Alors, nous allons passer voilà, une deuxième chanson parce que je sais qu'il y a des fans de Tom. Et puis donc, il était venu avec nous la semaine dernière, ça avait été très très sympathique. Nous avions passé une bonne émission tout en complicité, en sympathie. Voilà, donc on va réécouter une deuxième chanson de Tom Matisse. Allez, c'est parti pour un coup de foudre à Paris. Se sont remplis d'étoiles quand tu me souris. Mon cœur te dit oui. Coup de foudre à Paris. Mes yeux sont remplis d'étoiles et je te vois danser sous une pluie glacée. Tu me fais rêver. Toi, moi, les astres, le ciel autour, la tour Eiffel. Ce soir, tu me donnes des ailes, histoire d'une lune de miel. Je sens rempli d'étoiles quand tu me souris. Mon cœur te dit oui. Coup de foudre à Paris. Mes yeux sont remplis d'étoiles et je te vois danser sous une pluie glacée. Tu me fais rêver. Toi qui éclaire toutes mes nuits, ma flamme, mon seul amour, celle que j'aime à l'infini et que j'aimerais toujours. Mes yeux sont remplis d'étoiles quand tu me souris. Mon cœur te dit oui. Coup de foudre à Paris. Mes yeux sont remplis d'étoiles et je te vois danser sous une pluie glacée. Tu me fais rêver. Quand tu me souris, mon cœur te dit oui. foudre à Paris. Mes yeux sont remplis d'étoiles et je te vois danser sous une pluie glacée. Tu me fais rêver. Voilà Tom Matisse, coup de foudre à Paris. Alors, une autre exception dans cette playlist là, voilà, qui était donc un best-of aux artistes que j'ai reçus donc dans mon émission Les Années Bonheur. Alors je me rappelle pas de m'être interviewé, c'était pas évident, mais voilà, sur l'insistante de mon agente et amie. Votre serviteur sur Radio Gémozo pousse un petit peu la chansonnette aussi. Donc voilà, on écoute Gilles avec cette chanson « Regarde-moi dans les yeux ». Tu as mis une fleur dans tes cheveux, maquiller le contour de tes yeux. Tu t'es faite belle pour notre rendez-vous. Tu es celle que moi j'aime, je l'avoue. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis ô combien tu m'aimes. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je ne peux vivre sans toi. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je veux vivre la bohème. On va s'aimer tous les deux pour l'éternité. Je t'emmènerai danser ce soir pour écrire une suite à notre histoire. Une valse lente ou un boléro. Dans mes bras, tu seras mon joyau. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis ô combien tu m'aimes. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je ne peux vivre sans toi. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je veux vivre la bohème. On va s'aimer tous les deux pour l'éternité. La la la. Sans toi. Regarde-moi dans les yeux quand tu me dis je veux vivre la bohème. On va s'aimer tous les deux pour l'éternité. On va s'aimer tous les deux pour l'éternité. On va s'aimer tous les deux pour l'éternité. Voilà. Bravo, Gilles. Merci, Marc. C'est gentil. Alors, bientôt, ben, des nouvelles en préparation. Alors, voilà, l'émission se termine tout doucement. Je rappelle rapidement donc le concert de mon ami Bruno Broglie le 7 et 8 à Cornimont. Je suis désolé pour les chansons ou les artistes que je n'ai pas pu diffuser sur cette émission. Un volume 2 est prévu. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un artiste manu-romantique en interview par Phoneur. Ce sera la dernière émission. Vacances oblige, donc on en reparlera la semaine prochaine. N'oubliez pas l'émission de mon amie animatrice Lou à 18h dans l'heure des loups. Donc le directeur Hugues Leclerc de Nancy Phonie. Voilà, elle reçoit ce monsieur. Alors bye bye à tous, merci de votre fidélité, merci Marc pour la technique. Portez-vous bien et demain, allez les bleus, bye bye à tous. La première fois sur tous ces chabalabada, c'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec Clo-Clo si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon ami. Ma Gabrielle et ma Sarah, on remettrait sur les platines Olivia et John Travolta.